je te mets en condition. 2009, en mode combustion, ma conclusion, sans effusion de sang, juste une éclosion de sens. Je ne cesse de poser sur le sampleur, d'avancer sans m'y plaire, car Dieu m'a lancé sans m'y perdre. Impertinent comme Jerry Springer, fuck your ass with my finger. Ça veut m'en puter les putes et les fils de pute. Continuez à lutter, de l'âne qui tient la carotte, de l'air avant que je tombe en syncope, du label 5 jusque dans la capote. Avec les tai-tai congolais, martiniquais, dans le taj en taille, impossible de me contrôler. J'parniquais, pas de pitié, t'as pas idée. L'avenir me fait paniquer, t'as pas tilté. J'ai rien à perdre et que je veux miser sur la bonne paire. J'te parle de ma vie insensée, le béton m'a encensé. Lancé, j'suis béton, t'étonnes pas de mon état flingué. J'deviens dingué, je sors mon cerveau de l'étau. J'ai été sot et j'étais sot, bardé d'essoufflé dans l'escroquerie, dans le regard hypocrite. J'décris que des croquis, j'ai pas la sagesse de Socrate, mais l'imagination dantesque de Socrate. J'pose tout le pas chez Universal, le ton posthume sur un costume d'un personne, voire qu'un univers seul. J'ai tapé la barre transversale, tu sais, je laisse les transfers ça. J'ai perdu mes fersa dans les turbulences, les secondes s'abattent sur moi comme une sirène d'ambulance. Je vais être opulent, mais la fonce des mamies opulent. Je vois plus lent, vois donc j'ai pris l'encre. Jeunesse en freelance, pour occuper, ramener la finance. Le cœur en scie, ment la douleur en silence. J'pile sur un pile que j'kill, j'crache ma bile sur la cibille de ces fils de pute en civil. Passe un stylo ou un stylet afin que je m'investisse tout en étant inspiré. J'attends ma résurrection, faut que je m'organise et me sociabilise. Faut que je renoue avec le feeling, parce que tout s'est fané au finish. Cloîtré dans la mélasse, faut que je m'évade, demande à Bellas. Lassé des paroles d'ecclésiastique, j'ai trébuché dans le vide sans élastique. Voici le script. Attends, coupe ça. Eh, comment ça, je coupe ça?